Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Promenade au jardin, le Luxembourg, qui se raconte au micro de France Culture en 1980 dans les nuits magnétiques. Une journée magnétique, une journée entière dans les arbres, sous les arbres, du matin à l'ouverture vers 7h30, jusqu'au soir à la fermeture des grilles, au coucher du soleil. Parole aux jardiniers et aux joueurs de boules, aux enfants et aux gardiens, aux touristes et aux parisiens. Histoire de la pépinière des Chartreux au XVe siècle, de Marie de Médicis qui fit construire le palais, jusqu'au jardin du Sénat. Balade entre l'orangerie et les balançoires, entre la récolte du miel et les petits voiliers qui naviguent sur le bassin. Un jardin muse qui a inspiré, inspire tant de voix, de plumes. Je suis née sur un banc de Luxembourg, à Paris, comme l'a écrit André Brink, qui prit conscience ici du drame de son pays, l'Afrique du Sud, et vivra ici une deuxième naissance, sa vocation d'écrivain. Comme lui, dans le jardin du Luxembourg, nous pouvons tous avoir un banc qui nous attend pour naître, renaître éternellement. Bonsoir. Le jardin du Luxembourg, Anne Bragance, Josette Collin. Je n'ai pas envie de vous dire ce que je sais sur le jardin du Luxembourg, mais plutôt de laisser dire, de le laisser dire, de le laisser faire, de le laisser vous sauter aux yeux, au cœur, à la mémoire. Quand on allait à l'école 42 rue Madame, tous les soirs on venait ici. Et puis alors au lieu de dire tu viens avec nous au Luxembourg, on disait tu viens avec nous au Luco ou alors tu viens avec nous au Luc. Un monument qui est très demandé, c'est la statue de la Liberté qui est dans le secteur des Quinconces, qui est très demandé par les Américains, entre autres, et les Chapolais également. J'étais venue à Bossu avant, et ben j'avais toujours un point de repère, c'était un vieil arbre, je sais plus lequel c'est maintenant, et c'était dans le Luxembourg, et après là je me repérais. Maintenant à la Fontaine Médicis, ce sont les Italiens. Les Espagnols, il n'y en a pas tellement qui fréquentent, puis il n'y a rien de particulier. On allait là-bas, on appelle ça le champignon, la cabane des policiers là-bas. On appelle ça le champignon et puis on s'amusait à jouer à chat autour. Puis on allait souvent s'acheter des bonbons à la petite boutique qui est là. Mais maintenant que je suis en sixième, j'y vais plus. L'ouverture du jardin se fait en temps normal, c'est-à-dire sauf l'hiver lorsque la clarté n'est pas suffisante à l'intérieur du jardin pour pouvoir assurer une surveillance efficace. Et à 7h30 le matin, toutes les portes doivent être ouvertes à 7h30. Lieu charmant, solitaire asile, ouvert pourtant soir et matin, l'écolier son livre à la main, le rêveur avec sa paresse, l'amoureux avec sa maîtresse, entrait là comme en paradis. Des cacahuètes. Et les pigeons n'aiment pas les cacahuètes ? Si, mais j'aime pas les pigeons. Ça, c'est un ramier. Vous n'aimez pas les pigeons ? Non. Et alors, ils ne viennent pas autour de vous parce que vous ne les aimez pas ? Oui, exactement. Vous croyez qu'ils le sentent ? Très bien. Et celui-là, parce qu'il est un ramier, vous l'acceptez ? Oui, regardez. Il est beau, oui. Vous venez très souvent ici, de temps en temps. Et vous leur apportez toujours des cacahuètes ? En général, oui. Moi, j'amène un peu pour les moineaux. C'est le pain de mie pour les moineaux. Et puis alors, pour les pigeons, du pain ordinaire. Ça, c'est d'accord. On m'en donne partout. On vient de m'emporter encore un paquet. Les gens vous apportent de quoi tout le temps, tous les jours. Tenez, encore là, regardez. Alors là, c'est du pain sec. Alors, je le fais à la maison. Parce que pour les pigeons, il faut le faire au couteau. En tout cas, nos relations sont bonnes. Vous voyez, il y en a qui... qui s'oublient et d'autres qui n'essuient pas leurs pieds en se mettant sur la main. Enfin, ils me raccompagnent jusqu'à la maison si je le demande. Ils me raccompagnent jusque chez vous ? Oui, oui. Vous venez toujours au même endroit ? Non, pas forcément. Mais ils m'aperçoivent des arbres et partout, alors ils viennent avant même que je leur donne quoi que ce soit. Moi, j'ai essayé de le faire, mais... ils viennent pas. Les animaux, c'est nos frères supérieurs. Dans la Bible, on nous a donné des fausses indications. Sous Marie de Médicis, je parle du Luxembourg, c'est donc Marie de Médicis qui l'a créé, ce jardin. Et bien sous Marie de Médicis, on avait tout planté en orme. Et puis au fil des années, l'essence a changé, ensuite ça a été planté en marronnier. Mais il est évident que si une attaque comme celle qui se passe actuellement sur les ormes avait lieu sur marronnier, ça serait un immense champ de manœuvre. Le jardin du Luxembourg serait complètement saigné à blanc parce qu'il nous reste actuellement 1700 marronniers environ. C'est-à-dire pratiquement plus de la moitié des arbres sont des marronniers. Donc notre but actuellement pour l'avenir, c'est de diversifier les plantations de façon à ce qu'en aucun cas, fût-ce dans 50 ans, dans 100 ans, le jardin ne soit saigné à blanc par une maladie de même type. Et c'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas très bien, d'ailleurs, qu'on fasse une saignée à blanc de certains secteurs entiers en abattant 50, 60 ou une centaine d'arbres en même temps pour permettre une rénovation du jardin échelonnée sur, disons, environ un siècle. Particulièrement au jardin du Luxembourg où les arbres sont en majorité sur plateau, c'est-à-dire sur des plateaux de sol stabilisés où l'eau ne pénètre très peu, il y a très peu de réserves d'humidité dans le sol, finalement les arbres sont dans de très très mauvaises conditions. C'est un arbre qui a une grande branche, on y monte. Ah oui, c'est celui de là-bas. On s'amuse à y monter et tout. Et on vous laisse faire ? Ouais. Bah, si on ne nous voit pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui le font. Non, puis il y avait un jardinier qui était assez gentil, il était jeune. On achète aussi des bonbons. Puis j'étais avec une amie, j'étais montée dessus, il nous a vu, il nous a dit, oh bah faudrait pas recommencer, et il s'est fait crier quoi, il s'est fait... par un jardinier beaucoup plus vieux parce qu'il n'avait pas fait son devoir de nous interdire. Alors, enfin, il s'est défendu, puis il a dit que quand il était petit, il faisait pareil, alors que nous... En fait, la plupart de ces arbres sont des de vieux jeunes, c'est-à-dire que, ou de jeunes vieux, selon comment on le prend. En fait, dès l'âge de 25 ans, si vous voulez, ces arbres ont déjà des pousses de vieux. Ils ne peuvent plus pousser vigoureusement, comme le ferait encore au même âge, un arbre placé dans de bonnes conditions. En plus, le fruitier est placé juste à l'ombre du lycée Montaigne. Alors, on a les inconvénients de l'ombre, des lycéens qui aiment bien les fruits aussi, surtout en ce moment. Les lycéens viennent prendre les fruits. Ah oui, oui, oui, oui, ça régulièrement. Après, quand j'étais à Montaigne, ça m'est arrivé aussi. Et puis, les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux à Paris, beaucoup de pigeons et de merles. Puis en plus, il y a un problème de terre. Le jardin. À partir d'un mètre, on a rapporté de la bonne terre sur un mètre, mais en dessous, c'est que des déblais, c'est plein de cailloux calcaires, de coquilles d'huîtres, c'est assez intéressant d'ailleurs. Mais enfin, les arbres n'aiment pas du tout ça, alors ils ne sont pas parfaits. Mais enfin, on arrive quand même à avoir de beaux fruits, même de très beaux fruits, si, de très beaux fruits et des arbres quand même relativement en bonne santé. On cueille des champignons dans le Luxembourg, bien sûr. Il ne faut pas en manger trop, parce que maintenant, ils sont peut-être moins sains. Ils reçoivent aussi, si vous voulez, le problème de certains traitements qui sont faits sur les herbes. Alors, il ne faut pas en manger trop. Mais tous les ans, moi, je cueille et je mange des champignons du Luxembourg. Même à l'intérieur de mes balançoires, il y en a aussi. Des amoureux, très vigilants. Et cette dame-là, c'est amusant parce que les pigeons, en fait, tous les oiseaux, l'accompagnent jusque en face le métro là, de la gare du Luxembourg. Vous voyez, sur le bord, elle vient toujours au même endroit. Et là, ce chat qui vient, aussi, elle lui apporte à manger. Hein, elle lui donne à manger régulièrement. D'abord, il vient lui faire ses mamours là, sur elle. Là. Puis après, il passe devant, il l'accompagne. Et à tous les oiseaux, quand même, qui viennent autour, après, et les pigeons. C'est marrant. C'est d'ailleurs assez incompréhensible et irrationnel, puisqu'elle se met pratiquement à l'endroit le plus désagréable du jardin. Ah oui, parce que j'aime beaucoup là. Parce qu'il y a beaucoup de fantaisie. Là, connais... c'est le boulevard Saint-Michel. Oui, parce que je connais beaucoup de monde. Oui. Alors, c'est là qu'on me dit bonjour. Parce que je suis toujours seule. Alors, je n'ai pas de vie à la maison, c'est toujours enfermé, je suis toujours clouée. Alors là, il y a de la vie, je connais beaucoup de monde. Alors, bonjour 5 minutes, bonjour à l'autre, et puis voilà. Alors, comme ça, c'est dans le temps. Vous voyez, une amie qui vient là, elle vient me dire bonjour. Voilà. Elle est toujours toute seule, toute la journée. Alors, là, je vais rentrer, ben, je suis encore toute seule toute la soirée. Alors, tandis que là, dans l'après-midi, ben, là, je connais. Oh, ben, écoutez, si je dis bien pas une trentaine de bonjour par jour, c'est pas. Hein. Le jardin est un village. C'est-à-dire que les promeneurs habituels du jardin, vous avez des gens qui, durant 10-15 ans, se viennent régulièrement dans le jardin, ils ont leur coin, des gens vont à la pépinière, c'est là où ils viennent se reposer, qu'ils viennent lire. Je viens tous les matins avec mon chien. C'est peut-être le seul où on peut venir avec un chien, traverser tout ce côté-là avec un chien. Vous en avez d'autres que c'est le bassin, d'autres que c'est ce qu'on appelle la terrassette vers le boulevard Saint-Michel. L'autre côté du boulevard Saint-Michel, il n'y a aucun jeu. Puis alors, ils devaient mettre des jeux chaque partie, mais pas entourés par des barrières. Mais c'est quand même bien libre, parce qu'on quoi. On peut y aller et tout. On peut oui, mais vers le boulevard Saint-Michel, il n'y a rien comme jeu. Il n'y a que des petits machins où on achète des bonbons, mais il n'y a rien comme jeu. Chacun a ses habitudes, chacun a sa façon de vivre. C'est très bien les bassins avec le bateau. Oui, là. On passe oui. Quand même pas sur. Oh oui, il y a des bateaux. Canards et puis. Oui, il y a des bassins où il y a le des... bassin, ça va, mais seulement c'est dans un coin où Puis il y en a un bassin là-bas tout au fond, c'est très sombre. Il y a des poissons, puis on voit même pas les poissons, c'est très sombre. Oh si, c'est quand on leur donne à manger, ils remontent, c'est oui, pas mais enfin, il y en a. Médicis, donc, pas. La fontaine qui est là-bas, on sait pas. Oui, moi, je sais pas son nom, mais enfin. Ouais. On aimerait bien se débarrasser des pigeons, qui constituent une facette assez agréable de la vie du jardin, mais tout au moins limiter leur nombre. Et c'est malheureusement impossible, parce que le public ne tolère pas qu'on fasse du mal aux pigeons. Alors, ils sont venus deux ou trois fois, je crois, et chaque fois, ils ont été obligés de repartir, bredouille, devant les assauts et le mécontentement du public. Alors, les seuls qui permettent de limiter le nombre de pigeons, ce sont les chats. Oui, et il y a des chats qui ont leur territoire dans le jardin. Il y a de très nombreux chats, qui causent aussi d'ailleurs un peu de dégâts. Mais, mon Dieu, dans la mesure où ils sont d'excellents auxiliaires de limitation des nombres de pigeons, c'est aussi une faune qui est appréciée. Comment saviez-vous qu'il y avait un chat qui m'attendait? On vous l'a dit. Alors, ben vous le voyez. Alors. On nous a dit aussi qu'il se nourrissait de pigeons, des pigeons du Luxembourg. Est-ce que vous avez vu ça? Moi, je lui donne à manger, alors il ne fait rien. Ça, je ne sais pas, je lui donne à manger. Alors, il dort là, hier, il a dormi toute l'après-midi à côté de moi, là. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait après les pigeons. Ça, je ne suis pas là, je ne sais pas. Le matin, je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il avait très faim parce qu'il a couru vers moi et très vite. Parce que vous savez, si le chat a fait du mal aux pigeons, mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a des enfants méchants. Il y a des enfants qui leur lancent des pierres, il y a des enfants qui leur attachent les pattes. Alors, ça, faut pas toujours dire que c'est les bêtes. Le chat peut-être bien, je n'en sais rien du tout. Mademoiselle, vous savez où vous êtes ici? Le jardin de Luxembourg. Oui, vous le connaissez bien? Oui, c'est très bien. C'est la première fois que vous venez ici? C'est le dernier fois. Ça, j'en sais rien, mais j'ai vu des enfants attacher des pigeons. Même ici, une fois, il y en avait deux attachés ensemble, et très mal. Il a fallu que je demande quelqu'un pour les attraper, et j'ai toujours une paire de ciseaux, on a détaché tout. J'ai attaché, Mélimélo, il ne pouvait même plus voler, ni rien faire. C'était un paquet, là, qui se traînaillait, là. Alors, parce que quand il est comme ça, il faut toujours avoir tout sur soi. J'ai mes papiers, j'ai ciseaux, j'ai un canif, j'ai faut toujours un machin de secours, j'ai des ficelles, on ne sait jamais, alors. Je suis habituée, j'allais travailler en voiture, comme ça. Alors, je le sais, vous comprenez? Alors voilà, maintenant, j'attends. De l'école? Et vous traversez le Luxembourg pour rentrer à la maison? Oui. Et vous faites ça tous les jours? Bah ouais, parce que c'est le Luxembourg, c'est notre lieu où on est ensemble et tout, alors on y va et tout. Et puis voilà, c'est pour ça parce qu'il n'y a que le Luxembourg en fait qui est grand. Ouais. Arrête. Parce que les autres sont trop loin, alors on ne va pas prendre le Luxembourg. Il y a le jardin du Beaumarchais, mais là, c'est mieux après. Oui, puis c'est trop loin. C'est le Luxembourg. Le vôtre, c'est le Luxembourg. C'est parce qu'on est au lycée Montagne. On est petite ici, alors maintenant on a l'habitude. Bah, on avait l'habitude d'aller dans le parc là-bas, mais maintenant il n'y a plus Madame René. Il y avait une dame qui s'appelait Madame René. Alors, c'était l'ancienne patronne. Il y a des élèves du lycée Montagne qui sont passés par-dessus la barrière. Alors, comme ils sont passés par-dessus la barrière, il y a des cinquièmes du lycée Montagne. Nous, on est des sixièmes. On est des sixièmes. Alors, la patronne du lycée Montagne a interdit aux élèves de Montagne de 5e d'aller dans son parc. Et nous, l'année prochaine, on n'aura plus le droit d'y aller. Ceux qui sont passés par-dessus la barrière, ils ont eu 50 francs d'amende. Ouais. 56 francs. Nous avons eu de gros problèmes ces temps derniers avec le parc le lycée Montaigne. Et malheureusement, les sénateurs en ont pris la décision ainsi, c'est qu'on les a un petit peu expulsés du jardin du Luxembourg. Parce qu'ils détruisent beaucoup de choses dans le jardin. Entre autres, bon, mes jeux, mais en dehors de tous mes jeux qu'ils peuvent détruire, ils détruisent aussi les parterres florales et ça les gêne beaucoup. Dis, est-ce que tu aimes le parc à jeux? Ouais. Ouais, j'y vais. Tu la trouves sympa, la patronne? La patronne? Non, je la trouve bête. Ah, t'as bien parlé, ma fille. Nous aussi, on a dit ça tout à l'heure. Parce que nous, on était passés par la barrière l'autre jour. Mais c'était pas nous qu'on avait eu la demande de 50 francs, c'était cette siècle. Nous, on était passés par la barrière. Puis alors, il y a la patronne qui s'amène. Moi, j'allais sortir, la patronne qui s'amène. Puis elle nous dit, bon, alors puisque vous êtes rentrés, payez-nous. Puis alors, on lui avait payé 2 francs 50. Puis c'était con parce qu'on lui avait payé. C'est con, ça. Bon, on lui avait veillé, puis elle ne nous avait pas laissé trop rentrer. Hein, je trouve ça injuste. Nous sommes en projet pour rehausser la barrière. Oui, mais vous parlez du parc à jeux, mais vous adorez y aller. Hein. Alors vous pouvez parler, vous. Non, parce qu'on n'y va pas. Depuis ça fait au moins une semaine qu'on a eu tout ça. Ben, on n'y va pas, si tu veux pas demander à la patronne. Une personne de 99 ans peut venir s'amuser. Vous savez, nous voyons des enfants, nous appelons ça des enfants, mais des grandes personnes qui viennent s'amuser véritablement. En France, il n'y a pas beaucoup de parcs où l'on peut s'amuser. Je vous vois souvent là-bas au parc à jeux quand j'y suis et puis... Mais toi aussi, tu vas bien. Ben oui, j'y vais. Non, ils sont fermés, madame. Ils sont condamnés parce que les enfants ont détraqué la chasse d'eau. Il faut les casser et nous ne pouvons pas les faire en ce moment. Ah non, il n'est pas sale, madame. Ils ont piétiné, certainement. Ah ben, je vais regarder, madame. Au parc à jeux, il y avait des cinquièmes qui étaient passés par-dessus la barrière. Et on l'a déjà dit. Non, vous ne l'aviez pas dit. Si, que les cinquièmes, ils avaient... Ah, vous l'aviez dit. Oui, on l'a pas. Qu'est-ce que vous avez donc là comme jeu? Vous pouvez nous les décrire? D'abord, un grand toboggan, un pont de singe que vous voyez là, un téléphérique. Très passionnant pour les enfants. Une fois qu'on a fait tous les jeux, après... Quel jeu? Les jeux, ils sont trop connus. Non, mais c'est-à-dire que ça coûte 2 francs 50. Un globe oscillant qui est énormément fréquenté. Sinon, il y a des tourniquets, il y a des petites choses, des petits sujets à ressort qui sont énormément fréquentés en pleine saison. Parce que au jardin d'acclimatation, c'est pas cher du tout. Il y a plein de jeux. Il y a des jeux... où il faut donner des sous, mais qui sont électriques. Vraiment, jardin d'acclimatation, c'est beaucoup mieux. Parce que ça coûte 2 francs 50. Avant, l'ancienne patronne, c'était 50 centimes. Après, 1 franc, 1 franc 50. Bon, et puis avant, l'ancienne patronne, c'était 2 francs. Mais maintenant, c'est 2 francs 50. J'ai une grosse surveillance. Mais les enfants que l'on nous confie sont souvent très sages. Par contre, les turbulents, on les enlève un petit peu du parc. On a un contact incessant avec le public, puis un contact qui est parfois enfin la majorité du temps, et qui est agréable. C'est-à-dire que nous avons des gens que nous avons vus. Nous avons vu des enfants au cours d'une carrière. Nous avons des enfants qui étaient des bambins, qui ont grandi, qui ont été au lycée, ensuite qui ont été en faculté, qui ensuite sont mariés, qui ont eu des enfants à leur tour. Et c'est-à-dire, on les voit grandir, on est très étonné un jour de rencontrer quelqu'un qui vient vous dire bonjour, qui a 22 ou 23 ans, on dit, mais on ne le reconnaît pas, mais lui nous reconnaît, étant donné que nous, on n'a pas changé. On regarde déjà passer, c'est un cinéma sans fin. Mm-hmm. On voit tout ce temps cosmopolite, on voit tout le monde. Il y a toujours des mouvements, que ce soit l'été, l'hiver. Les rapports, donc, peuvent être très amicaux. Ils peuvent être très amicaux, très cordiaux tout au moins, mm-hmm. très cordiaux. Et les gardes ne sont pas sympathiques, on n'a pas le droit de faire de patins à roulettes parce qu'ils ont peur que ça... Oui, ce sont les petits qui ont le droit de faire du vélo avec des petites roulettes derrière. Parce que nous, on avait un jeu, alors elle montait sur... Non, moi je montais j'avais sur des patins. Bagages, elle avait des patins, puis elle s'accrochait. Puis il y a un garde qui nous a vus, alors il nous a dit, bah descendez parce... de la suite. Et puis on monte aussi un arbre, on n'a pas le droit de renverser quelqu'un. Maintenant, évidemment... comme dans toute fréquentation, dans tout groupe humain, et vous avez des gens qui sont peut-être un peu marginaux. Mais enfin, ceux-là, on essaie de les rendre inopérants. Des fois on joue, des tiens, fois on joue pas. Tiens, le directeur, là, viens un peu te parler à la dame, là. Ça, c'est le professionnel, le prof, là. Le prof, ouais, professionnel. Le professionnel, pour quel motif? Il n'y a pas de professionnel ici, on est tous amateurs. Eh bien, on va se présenter pour remplacer l'équipe de France, qui s'est fait frotter à Monaco dimanche dernier, là. En vue de battre des Italiens. Mais ça, ouais, c'est pas fini, on a encore du chemin à parcourir. Mais avec la patience, on arrivera à bout. Justement, il manque c'est la buvette. Il manque la buvette, mais il y en a une. Pour ça, vous avez bien offert un verre, mais c'est défendu. Les marginaux sont vite repérés, puisque la surveillance est faite. Les gens sont habitués à observer le public, à observer les gens, les surveillants du jardin. Et lorsqu'il y a des marginaux, des groupes de marginaux de 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui se promènent dans le jardin, ils sont l'objet d'une surveillance particulière, disons. Et alors, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que c'est dans le cadre des activités physiques et sportives du lycée Saint-Louis que nous venons au Luxembourg. Et de 8 ans, on fait le tour. Le grand tour. C'est mieux que la cour du lycée. Je dis bien une surveillance particulière. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont surveillés peut-être plus que le commun des autres promeneurs. Et de ce fait, ils ne commettent pas de choses répréhensibles à l'intérieur du jardin. Et les étrangers au Luxembourg? Oh, mais les étrangers, nous ne nous remarquons pas d'étrangers. Tout le monde fréquente le jardin. Nous, on n'a pas... La fréquentation du quartier latin étant très cosmopolite, disons que dans les promeneurs, on ne fait pas de distinction entre des gens de différentes nationalités ou de différentes races. Pendant la période estivale, il y a beaucoup d'étrangers également, des jeunes qui viennent déjeuner sur les bancs et ainsi de suite, et qui laissent tous leurs produits, tous leurs déchets à proximité sans les mettre dans les corbeilles à papier. Ce qui fait que ça pose des problèmes aux jardiniers parce que tous les matins, toute l'équipe est obligée de passer la moitié de la matinée à ramasser les papiers. Mais il semble tout à fait admis que le public finalement nourrisse les animaux. Or, le règlement l'interdit. Oui, mais le règlement est fait de la façon que l'on ait un moyen de recours contre des abus. Contre les abus. We'll be right back. un petit coin qui est là-bas parce qu'on commence à bien connaître tout le monde qui vit là-bas, puis on connaît bien aussi Lulu. Le magasin de bonbons. On connaît tous les noms. Enfin, moi, je connais tous les noms des dames qui vendent les bonbons dans les dents. Comment elle s'appelle l'autre là-bas? Elle s'appelle. Enfin, je sais pas son nom, mais nous, on lui donne un surnom. C'est quoi? Nous, on l'appelle Doudou. Et Lulu, où est-elle? Lulu, c'est celle qui est là. Ouais. Non, je vends pas de bonbons. Je vends des crêpes, je vends des sandwichs, je vends des boissons, mais je ne vends pas de bonbons ni jouets. Je suis là depuis 20 ans. C'est ma 20e année cette année. Mais est-ce que ce métier vous plaît? Mon Dieu, oui. Il y a des côtés sympathiques. On a un contact permanent avec la clientèle. C'est amusant. Le public est sympathique. Et puis, mon Dieu, faire ça ou autre chose quand on gagne sa vie. Oui, bien sûr. Vous avez des fidèles, par exemple? Oui, j'ai des clients qui, depuis 20 ans. Des clients fidèles depuis 20 ans. J'ai eu des clients qui étaient tout petits, qui venaient à peine à la hauteur de ma tablette, qui sont maintenant mariés et qui viennent avec leurs enfants. Alors vous voyez, j'ai des clients fidèles depuis 20 ans. Can you speak English? Non. Moi, c'est pas beaucoup. Vous ne savez pas, vous êtes à Paris en vacances? Oui, vacances. C'est Hong Kong parti ici. C'est Hong Kong. Vous venez de Hong Kong? Oui. Et vous venez ici pour la première fois dans le jardin? It's the first time? Yes, yeah, it's the first time. Le 27 septembre, il y a une petite séquence de film qui a été tournée là, sur le banc à côté. Alors j'ai été éclairée, enfin préparée. Et on me voit donner des crêpes à l'acteur qui rejoint sa petite fille sur le banc. Ça s'appellera, je crois, L'amour au fil des jours. Vous êtes le conservateur du jardin du Luxembourg. Alors parlez-nous de ce que le public ne voit pas, à savoir cette collection d'orchidées. Elle a été créée à la fin du siècle dernier. En fait, c'était une toute petite collection de quelques plantes qui se trouvaient sur une tablette dans une serre de la faculté de pharmacie. Alors, le jardinier de la faculté de pharmacie qui s'occupait de ces orchidées, on s'en est trouvé encombré et on a fait cadeau au conservateur des jardins de l'époque ici. Alors, celui-là s'est passionné pour ces orchidées et les a multipliées. Et puis, les conservateurs successifs se sont à leur tour passionnés pour les Paphiopedilum, les sabots de Vénus, puisque c'est l'essentiel de la collection. Et celle-ci s'est multipliée au fil des années. Nos serres contiennent un certain nombre de plantes. Enfin, nous effectuons dans nos serres des cultures qui sont destinées d'une part à fleurir l'ensemble du jardin du Luxembourg et d'autre part à fournir les plantes et la fleur coupée nécessaires pour les décorations qui ont lieu dans le palais du Luxembourg, toutes les réceptions du Sénat, etc., qui sont assurées par les services. Il n'y a pas à proprement parler de serre pour la fleur à couper. C'est-à-dire qu'au fil des mois, nous échelonnons des cultures qui nous permettent d'avoir en permanence de la fleur. On ne peut pas fleurir en permanence l'ensemble des parties fleuries du jardin, mais en particulier pour les parterres, les grands parterres, on effectue presque sur l'ensemble des grands parterres 3 garnitures par an. Une de printemps, une d'été et une d'automne qu'on est en train de mettre en place maintenant. Je l'ai écrit une fois, j'avais écrit à Madame Giscard, à Madame, la femme du président. Alors elle m'a répondu très gentiment, que je lui ai raconté que j'allais au jardin, elle a dit que c'était un magnifique jardin. Et moi je suis d'avis aussi, c'est pareil, il est entretenu. Ça oui, ça les jardiniers se démènent. Dans les parterres, il y a le problème des cacahuètes. Alors là, dans les grands parterres, tous les sentiers autour, les gens sont assis, épluchent des cacahuètes pour donner aux oiseaux. Mais alors, ces épluchures-là, au lieu de les mettre dans des pochons, par exemple, ils les mettent par terre. Vous voyez, c'est des petits faits qui se produisent pendant la période d'été, quoi. Je crois que vous vous occupez aussi de l'école d'arboriculture. Oui. Eh bien, c'est une très vieille école, puisqu'elle, sa création remonte à 1806. Enfin, les cours du Luxembourg, proprement dit, ont été fondés en 1806 et pratiquement fonctionné depuis sans interruption. Mais je crois que la particularité de cette école, c'est que elle n'est que la suite d'un enseignement quasi spontané qui s'était fait à cet emplacement, qui était fait à cet emplacement par les chartreux dans leur pépinière. De nombreuses personnes venaient assister à des cours, et qui n'étaient pas des cours, mais enfin qui étaient des, venaient demander conseil aux jardiniers qui s'occupaient des, de la pépinière des chartreux. Et cette pépinière des chartreux, elle, remonte pratiquement au XVe siècle. On pourrait éventuellement faire remonter d'ailleurs l'origine de cette de la culture à cet emplacement au XIIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là que les chartreux se sont installés. Je me rappelle, on était avec des copains, on était petits, et par là-bas il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine de Marie de Médicis, oh là là. Et il y a deux petites portes sur les coins, et on était rentrés et on avait vu plein de choses vachement belles. Il y avait des pianos, il y avait un piano, il y avait des costumes anciens. Et puis on avait pris une boîte dedans. Non, on allait la ramener évidemment. Puis on avait vu qu'il y avait, il y avait des pièces trouées dedans, dans la boîte. Puis on voulait les garder, puis on l'a gardée une fois, et puis on s'est amusé à la cacher dans un arbre. Parce que l'arbre, il avait un gros trou. On l'a mis dans le trou et puis on a rebouché. Et ils ont abattu l'arbre parce qu'il était trop vieux. Et puis ils ont trouvé notre boîte, on était là. On était tout tristes qu'ils aient retrouvé notre boîte. Puis après, ils ne savaient pas d'où elle venait. Puis ils l'ont mis, je ne sais pas où. Ouais. On disait, mais c'est notre boîte. Ils ne voulaient pas nous croire que c'était notre boîte. Ils disaient, oh, vous les petits, hein, vous n'avez pas la parole. Nous sommes très tristes cette année puisqu'on vient de perdre en 2 ans les deux plus anciens arbres du jardin qui remontaient à la création de ce jardin fruitier, à sa recréation après sa destruction par les travaux de la création de la rue Auguste Comte. Donc on avait 2 arbres qui avaient 110 ans. Des fruitiers. Des arbres fruitiers formés, qui étaient magnifiques et qui sont morts de vieillesse. Alors on est en train de les sauver pour la postérité en... De quelle façon ? Eh bien, on leur coule un bloc de béton au pied, et comme ça, ça permettra quand même de les montrer lors de certaines expositions. Ils sont morts. Vous les garderez comme ça, comme des silhouettes. Mais ce sont de très belles silhouettes, parce que c'est, indépendamment de la feuille et du fruit qui était produit, ces arbres ont une valeur de silhouette. À l'école du Luxembourg, nous formons encore des arbres, selon des méthodes et des formes qui ne sont plus pratiquées nulle part ailleurs. Aucun professionnel ne pourrait produire des fruits en utilisant, en passant autant de temps à former des arbres. Il n'y a qu'un verger école de tradition comme le nôtre qui peut se permettre de ça. Nous ne cherchons pas à produire des fruits. Ce que nous cherchons, c'est à conserver ici non seulement des variétés d'arbres, des variétés de fruits, mais aussi d'avoir un conservatoire de variétés et de formes. Mais oui, mais on arrache une petite feuille, elle dit « Oh, j'ai mal au cœur !» Quand même, vraiment, moi, je trouve que... Elle dit « Oh, ça fait mal au cœur d'arracher, on dirait qu'on arrache à moi quelque chose. » Dès qu'on est dessus, on se cassera une jambe, bon bah... D'accord, mais on va pas lui casser quelque chose, à l'arbre, il est beaucoup trop gros. Sauf on arrache de l'herbe, elle dit « Oh non, s'il vous plaît, faites mais pas ça. » Mais pas quand même, pas pour l'herbe. Je dis, quand on a arraché de l'herbe, qu'est-ce que ça dit ? Oui, mais j'ai dit, si tout le monde faisait comme ça, ben, il n'y aurait plus d'herbe. Est-ce que ces fruits que vous produisez sont bons ? Dans l'ensemble, ils ne sont pas mauvais, mais il faut bien reconnaître que certaines variétés se refusent à pousser, à donner leur meilleure qualité dans le sol. Et avec les conditions qui sont celles de Paris. Et très souvent, il y a d'excellentes variétés qui sont absolument immangeables. Il y a aussi dans le Luxembourg un orme célèbre qui requiert beaucoup de soins. Je crois que c'est le dernier de Paris. C'est le dernier du Luxembourg, c'est un des derniers de Paris parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et il y avait au jardin, dans le jardin du Luxembourg, 150 ou 160 ormes. Il n'y a plus que celui-là. Et nous voudrions évidemment le sauver à tout prix parce qu'il a probablement 250 à 300 ans. On ne sait pas trop. On ne le saura malheureusement que le jour où il mourra. Et on voudrait absolument le sauver. Oui, alors quel est le problème de ces arbres ? Et le problème, c'est qu'il y avait une maladie de l'orme qui existait depuis déjà fort longtemps. C'est un champignon qui agresse cet orme. Et l'orme a la particularité de se défendre contre ce champignon en se suicidant, si vous voulez, en obstruant la circulation de la sève dans ses vaisseaux par des cales. Si bien qu'en fait, il s'agit véritablement d'un suicide. Pour résister à l'envahissement du champignon, il obstrue lui-même ses propres vaisseaux. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Il se dessèche d'un seul coup sur des branches entières. Alors évidemment, il ne résiste pas longtemps à ce traitement. Et au début du siècle, il existait déjà une invasion de ce champignon. Et puis, il s'est établi un équilibre. J'ai retrouvé des textes de 1920-1930, où les spécialistes de l'époque disaient « l'orme est perdu, il n'y aura plus d'orme ». En fait, il s'est établi un équilibre entre le champignon, entre la maladie et l'orme. Mais en 71, il semble qu'il y ait eu une mutation brutale de ce champignon et une souche extrêmement virulente. Et actuellement, il semble qu'il n'y ait pas du tout d'équilibre qui s'instaure et... Malheureusement, j'ai peur que tous les ormes soient en voie de disparition. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre. autrement, il y a le guignol qui est pas mal, mais ouais. Enfin, maintenant, on n'est plus tellement d'âge. Non, mais enfin, pour les petits, c'est pas mal du tout, parce que ouais, les marionnettes, elles sont bien. Ils exagèrent aussi, 9 francs, ils exagèrent. Hein. Ouais. Ouais. 9 francs, c'est quand même dur à faire les marionnettes. Hein. Bien, fille ! Veux-tu obéir et venir tout de suite ? Fabriquer ces superbes marionnettes ? Oui, en partie. Enfin, nous sommes toute une équipe. Nous travaillons avec un décorateur, une habilleuse, un sculpteur. Enfin, nous travaillons avec plusieurs personnes sur une marionnette, oui. Elles sont très, très belles. La grand-mère. Surtout celles-ci sont des marionnettes à tige. Oui. Se manipulent avec deux manipulateurs. Un qui manipule la tête, qui est sur roulement à billes, et une autre qui manipule les deux bras. Ce sont des poupées, quand même, qui sont assez lourdes et qui mesurent à peu près 80 cm. Qui donne une grande impression de vie. Grande impression de vie, c'est exact. Étant donné que là, c'est, par rapport à la marionnette à gaine, vous avez les bras qui bougent. Et la tête aussi, qui donne énormément de vie. Puisqu'elle elle baisse et elle peut tourner à droite à gauche. Ça permet aussi de très bons costumes, de très beaux costumes par rapport à une marionnette à gaine. Là, vraiment, ce sont des petits humains. Oui, c'est tout à aussi fait. Aussi bien dans l'animation. Et le texte Le texte, j'ai fait une adaptation. Là, aujourd'hui, ça s'appelle Le Petit Ballon Rouge. C'est un spectacle très connu en Tchécoslovaquie qui est de M. Jean Malik. Et j'ai fait une adaptation française. Mais vous changez souvent de... Nous changeons à peu près tous les deux mois de spectacle, environ. Et nous faisons à peu près une création tous les deux ans. Car il faut, pour un spectacle comme ça, deux ans de travail, de préparation, de construction, de texte, et même sur un spectacle comme ça, il y a deux mois de répétition, de manipulation. Et alors, tous les deux mois, vous changez donc de personnage ? Changeons de personnage et de spectacle. Nous avons 1200 marionnettes à peu près, et nous avons 40 spectacles. 1200 marionnettes ? Oui, nous allons bientôt fêter les 50e anniversaire du théâtre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel. Justement, j'en ai assez du calme. Oui. Parce que j'ai un rez-de-chaussée et je ne vois personne. Je n'ai qu'un mur. Alors le calme, j'en ai. Le calme et l'ombre, et j'en ai. Alors là, au contraire, ça me distrait. Oui. Ça fait de la vie. Et puis je vous dis, ça fait de la vie. Il est couru parce que quand il y a le samedi et dimanche, il y a toutes les voitures de la banlieue, la boulevard Saint-Michel. Les 91, 92, 94. Tout le monde vient au Luxembourg. Au Luxembourg, vous pensez au Luxembourg. Que les gens de la banlieue viennent au Luxembourg? On vient au Luxembourg, parce qu'à le bassin, là-bas, il y a tous les jeux, là-bas, les enfants, vous les avez vus. Ça, ils ont de quoi faire. Il y a le bassin, les bateaux, alors... Je suis dans le jardin depuis 1927. Et c'est moi qui faisais les bateaux. J'avais un atelier rue Visconti. Et j'ai construit des quantités de maquettes, j'en ai même fait des maquettes pour les cinémas. Et j'en ai dans le monde entier. Tu vois, je crois que c'est les seuls qui naviguent comme ceux que j'ai fait. C'est pas pour me monter. Mais en magasin, ils ne peuvent pas faire ça. Fort. Moi, je prenais un morceau de bois, par exemple, un morceau d'acajou qui avait 20 ans, qui était abattu. Hein, je le traçais, je le formais, je le creusais qu'on voyait le jour au travers. Et puis ensuite, pour qu'un bateau puisse naviguer, il faut qu'il soit très léger à la surface et très lourd par en dessous. Il faut qu'il ait une quille. Mmh. Et j'arrivais, alors forcément, pour faire ça dans le commerce, il aurait fallu avoir des machines. Et moi, à l'époque, quand je suis sorti de la marine, ben, j'étais pas riche. Vous êtes un ancien marin. Ah, je suis un ancien marin. Moi, j'ai commencé à naviguer, j'ai fait la pêche au thon. J'ai fait la pêche à la sardine, hein, j'ai fait la pêche à la morue. J'aurais mieux fait de les faire sur le boulevard, ça aurait été moins. J'étais à Terre-Neuve, hein. Ensuite, j'ai fait les grandes pêches sur les grands chalutiers de Boulogne. Et puis ensuite, ben, j'ai fait ma navigation ici. Sur le bassin du Luxembourg. Sur le bassin du Luxembourg. Chose très drôle, c'est parce que moi, je suis un ancien ajusteur, outilleur de la marine. Bon, et puis, j'ai travaillé dans différentes maisons. Et un beau jour, il y a un monsieur qui s'appelait Cohen qui vient me trouver. Et je me dis, tiens, tu voudrais pas faire une maquette pour un cinéma? Et j'ai dit, mon pauvre vieux, j'ai pas d'atelier, j'ai rien du tout. On va pas faire une maquette, hein. Et puis, il m'a trouvé un atelier, la rue Visconti, qui je devais y rester que 8 jours. Hein, vous savez ce que c'est que quand on doit rester quelque part 8 jours, ça... ça existe encore. Et j'ai fait des quantités de bateaux, c'est bien pour les Américains, pour etc., etc. Pour le monde entier, j'en ai fait. Malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter parce que... Un beau jour, je suis tombé dans le jardin, ici dans le jardin. Là, on m'a transporté rapidement à l'hôpital. Et soi-disant, j'étais cardiaque. Je n'ai pas voulu y croire. Le lendemain, je suis sorti. Hein? Puis j'ai continué à travailler comme si rien n'était. Et puis, jour pour jour, je retombe. Alors, j'avais été voir le professeur Soulier, qui, lui, est mort, lui aussi, dans la rue. Hein? Et il m'a dit, il ne faut plus travailler, il ne faut plus rien faire, ceci, cela. Je lui ai dit, c'est très joli, ça, mais hein? Il faut que je mange. J'ai continué de travailler comme si rien n'était. Vous savez que les Vendéens sont têtus, hein? Ils sont plus têtus que les Bretons. Parce qu'un jour, un Breton courait comme ça, moi je courais dans l'autre sens, j'ai rencontré le Breton, c'est la tête du Breton qui a éclaté. Alors on les compte si on est dur. Hein. Mon mari, lui, est véritablement un personnage de Luxembourg, puisqu'il a succédé à son père, qui a été le créateur de la concession des voiliers ici, qui sont exactement des modèles réduits, en bois, tout était entièrement fait à la main. Ces bateaux-là sont des petites merveilles que peu de gens connaissent. Mais les gens qui connaissent bien apprécient et cherchent toujours à en avoir. De ceux qui ont été fabriqués par mon beau-père et par mon mari lui-même, qui est toujours au service des enfants, si vous voulez, depuis tant d'années, et qui répare encore à 75 ans, après qu'il ait été opéré du cœur, qui répare encore ses bateaux avec un amour absolu. Il y passe toutes ses matinées à gratter les coques, refaire les mâts à la main, tout l'accastillage est monté à la main. C'est le modèle réduit des côtres de l'océan Atlantique, l'ancien bateau de pêche, qui est lesté exactement de la même manière, avec une quille de plomb, et qui marche exactement avec la même perfection au moindre souffle. Et puis, la cinquième année, je suis retombé. Et alors là, c'est grâce à Abou Darias qui m'a dit, écoutez mon vieux, vous êtes foutu, hein, il faut l'opération. Oh, j'ai dit, l'opération, on ne veut pas d'opération. Et puis, total, je me suis laissé faire. Hein. Et puis, ça fait 9 ans et 9 mois que c'est fait, je me porte très très bien. Comme c'est fait pour 10 ans. On n'est pas pour longtemps à vivre. Oh, vous avez l'air en pleine forme. Oh, pleine forme. Madame Podo, vous vous occupez des balançoires, vous surveillez les enfants, vous avez l'air d'aimer les gens. Vous leur proposez de leur apprendre le tricot. Et vous aimez aussi les statues. Ah oui, c'est vrai, pour moi, si vous voulez, c'est une manière sûrement de comprendre les racines profondes du vieux Paris et de ce Luxembourg qui est pour moi les trois quarts de ma vie. Alors je m'y intéresse beaucoup, d'abord parce que j'aime l'art en lui-même, et surtout aussi par le passé de Paris et du Luxembourg. J'aime surtout, je vous dis, Marguerite de Valois. Je parce que c'est la plus proche de vous, là. Pas seulement ça, parce qu'elle était sur mon chemin. Elle m'accueillait quand je montais un grand escalier que je venais travailler. C'est elle qui m'accueillait en montant cet escalier, avec la grâce de la Marguerite qu'elle offre dans la main, et son sourire charmant. Alors j'ai fouillé un peu sa vie. J'ai vu où elle habitait, le quartier de la rue de Seine et de la rue de Bussy. Je suis allée voir l'hôtel qu'elle habitait. Et puis j'ai compris un petit peu pourquoi on la mettait là, un grand personnage français. Mais j'aime aussi d'autres statues, en particulier celle de la Fontaine Médicis. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un groupe merveilleux qui représente Assis et Galatée. C'est une grâce absolument infinie, qui peut être un petit peu trop académique pour beaucoup de gens. Enfin, moi, je la trouve tellement belle. Je l'ai photographiée, j'ai un grand tableau de cette statue chez moi. Elle est tout bêtement dans ma cuisine, mais c'est là où je me tiens le plus, je l'ai souvent. J'aime ça. Et j'aime aussi l'opposé des cultures, c'est le monument de la Résistance qui est tout proche et qui est tellement différent, qui a soulevé tant de polémiques au moment où on l'a installé là, qui est tout à fait d'un style beaucoup trop ardu et qui était le début du moderne dans le Luxembourg. Et à l'époque, il paraît maintenant, à côté d'une moderniste, il paraît déjà un style achevé. Mais il est absolument superbe. Il mérite d'être allé vu devant cette... Il mérite d'être regardé parce qu'il y a cette espèce d'offrande de l'homme à son pays qui est superbe devant ce Sénat, qui est aussi une image de la France, si vous voulez. Mais remarquez, ce qui m'a sauvé, c'est le moral. Hein, j'ai ma morale du tonnerre de Brest. Je vais raconter une histoire. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, on m'a envoyé une maison de repos. Et en arrivant à la maison de repos, c'était une maison où il y avait, faut que je ne suis pas jeune non plus, je suis 75 ans, enfin bref, il y avait des gens qui étaient là, 80 ans. Alors il y en a un qui disait, moi je fais mou, moi je fais dur, des trucs comme ça, moi ça ne me plaisait pas. Je fais une nid d'œil, il fallait faire la sieste de 1 heure jusqu'à 5 heures. Moi je n'ai jamais fait de la sieste de ma vie. Alors j'ai passé par la fenêtre, je suis parti me promener. Ouais, j'ai été me balader. Puis comme j'aime beaucoup qu'il y a des endroits où il y a de l'eau, derrière l'hôpital, il y avait un poteau. Alors vous allez voir, la chose sera rigolote. La première nuit, je dors pas. La deuxième nuit, je dors pas. La troisième nuit, je dors pas. La quatrième nuit, je dors pas. Le médecin me s'amène, mais pourquoi vous dormez pas? Bon, je lui dis rien. Il me dit, tiens, je vais vous donner des cachets. Moi, les cachets, comme les médicaments, je peux pas les voir, c'est ce machin. Enfin, bon, le lendemain, il vient, me dit, alors, vous avez dormi, monsieur Rouleau? J'ai dit, non, j'ai pas pu dormir. J'ai dit, figurez-vous, j'ai jeté tous les cachets dans la flotte. Ces bons dieux de poisson ont tellement ronflé qu'ils m'ont empêché de dormir. Il m'a dit, bon, vous n'aurez plus de cachets, celui-là. Nous sommes dans l'orangerie du Jardin du Luxembourg avec une équipe de jardiniers au travail. Tous les arbres de fragiles dans des caissons, les palmiers, les orangers. Alors maintenant que vous les avez rentrés, vous les rentrez à quelle époque d'abord? On les rentre début octobre. Hein. Les plus lourdes sont celles qui contiennent les palmiers. C'est les palmiers. Hein. Oui. Et qui vous posent quelques problèmes, je crois. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à nous en poser parce que vous pouvez voir par vous-même que... Ils arrivent à la verrière, oui. Alors, je ne sais pas si pendant combien d'années on peut encore les garder comme ça. On va peut-être poser la question. Mais un palmier, ça pousse très vite ou non, lentement? Non, il pousse lentement maintenant. De toute façon, on n'a pas intérêt à ce qu'il pousse trop vite. Hein. De toute façon, vous voyez, sinon on se retrouve confronté à des problèmes comme celui-ci. Moi, je trouve ça bête parce qu'aussi, il n'y a plus les palmiers. Ah, mais les palmiers... Ah oui, mais ils sortent le printemps ou l'été, les palmiers aussi. Hein, parce que je sais pas, mais si on met les palmiers dehors en hiver, je sais pas. Mais moi, ça doit pas être. Comme plante d'orangerie, il y a palmier, oranger, grenadier et laurier rose. Mmh. Alors, si vous voulez, sur les orangers, on a des fruits, mais en fait, ça nous intéresse pas particulièrement. Et ces fruits sont comestibles? Non, ils sont pas comestibles parce que c'est pas des plantes greffées. Hein. Mmh. C'est des plantes issues de semis. Donc les fruits ne sont pas comestibles. On arrive à maturité sur deux saisons, mais on en a déjà goûté, c'est vraiment pas... C'est bête de Luxembourg, parce qu'il y a plein de pelouses et on n'a pas le droit d'y aller. Ils devraient au moins en laisser une. Il y en a une, mais c'est les enfants de 5 ans. Et moi, je trouve que mettre des jeux, parce qu'il y a les petits chevaux, les balançoires... Les chiens, je suis d'accord. Mais crie pas. Il y a toujours des grognons, on ne peut pas éviter. Mais en fait, ensemble, ça se passe plutôt bien. On ne peut pas avoir du gazon et puis le faire piétiner par des milliers de gens. C'est pas possible. Vous savez qu'un hectare de gazon fixe une tonne de poussière par an. Imaginez, si tout le monde était dessus, il ne fixerait plus rien. Oui, il y a peut-être le problème de la propreté du jardin pour vous jardiniers. Oui, effectivement, nous avons quand même un contingent de poubelles quand même qui est assez important dans le jardin. Et alors, évidemment, malheureusement, le public n'est pas toujours sérieux et met beaucoup de papier par terre. Alors, évidemment, tout ça nuit à l'entretien général du jardin parce que le temps passé pour ramasser les papiers ne peut pas être utilisé dans les différents travaux du jardin, quoi. On peut se faire cette réflexion que le jardin du Luxembourg est le plus grand restaurant de Paris certains jours de printemps et d'été. Et il est côtoyé par de nombreuses personnes, surtout pendant la période estivale, ouais. Ce qui fait que automatiquement la propreté s'en ressent parce que qui dit beaucoup de monde, les gens, il y a des gens du public qui est très très correct, très bien, très propre, il n'y a pas de problème, met ses papiers correctement dans les poubelles, puis d'autres, bon bah. Ouais. Les, comment dit-on, les sparrows? Sparrows? Les petits oiseaux, les moineaux. Il est plus vite que les... Que les pigeons. Que les pigeons. Ils sont plus rapides. Oui. Oui. Les pigeons juste piquent sur la baguette, mais les autres volent. Ils volent les miettes aux pigeons. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors on pourrait dire que les pigeons, entre autres, seraient nos ennemis parce qu'ils se répandent sur les corbeilles de fleurs, notamment sur les corbeilles plantées en bégonia, en pétunia, et ils rasent tout systématiquement. Et c'est pas trop par la question d'ingestion, c'est le piétinement. Ils descendent un groupe assez volumineux sur la corbeille, puis par piétinement, ils écrasent tout. Je ne pense pas que les abeilles soient les ennemis du jardinier. Mais effectivement, on a au jardin du Luxembourg à peu près 1 million d'abeilles. En une vingtaine, 20-25 ruches environ. Et c'est très surprenant de constater que finalement, jamais aucune personne dans le public n'est piquée. C'est rarissime. Les seuls qui puissent se plaindre sont éventuellement les jardiniers, en particulier les tondeurs à gazon, les tondeurs, parce que les abeilles semblent avoir en horreur le bruit ou l'odeur de l'essence des tondeuses à gazon. Si bien que très souvent, les tondeurs se font piquer. Et puis, d'autres qui n'aiment pas beaucoup les abeilles du Luxembourg, ce sont les confiseurs du coin, parce qu'il arrive que de temps en temps, quelques pillardes débarquent dans leur officine et revenant chercher toute la communauté, c'est environ une vingtaine de mille d'abeilles envahissent l'officine. Alors il est évident que ça provoque quelques mouvements d'hiver dans le quartier. Enfin, en général, ça s'arrange bien avec les pompiers qui interviennent. Et puis aussi, nous installons, lorsqu'il se passe quelque chose de ce genre-là, nous installons les asperceurs, les arroseurs sur les ruches et les abeilles, lorsqu'elles reviennent, ne ressortent pas. Lorsqu'il pleut, les abeilles ne ressortent pas. Ce qui fait que très vite, tout rentre dans l'ordre. Et donc, c'est toujours un petit peu spectaculaire, mais ça ne va pas plus loin. En ce qui concerne les abeilles, c'est pour nous quelque chose d'un élément important. Vous avez parlé du jardin fruitier et il est évident qu'au niveau de la pollinisation, ces abeilles nous sont extrêmement utiles. Est-ce qu'il y a une production de miel? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la Société Centrale d'Apiculture, qui a son rucher, qui est responsable de ce rucher, donc, tous les ans, récolte plusieurs kilos ou dizaines de kilos de miel, d'une qualité moyenne, parce que leur production se fait essentiellement à partir de fleurs, de nos fleurs d'éparterre, qui sont peut-être fort belles, mais qui sont assez mauvaises au point de vue source de pollen et de miel. C'est un pollen qui donne un miel très fort et sans beaucoup de parfum. Et j'ai dit non. Deux fois. Merci. Vous vous retrouvez là tous les après-midi? Oui, l'été quoi, mais pas. Des fois l'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Ceux qui sont gelés, ils vont à la mairie. Nous avons joué ici dans la neige, avec des cartons sur la neige, les pieds sur les cartons. Nous avons joué en pleine neige tout l'hiver. Il y a 2 ans, tout l'hiver, il y avait en permanence du monde pour jouer. Nous étions quelquefois 2-3 ateliers. Oui, nous nous mettions là-bas le long de l'orangerie et on jouait. Sous la neige. Oui, sous la neige. Oui, oui. C'est la passion. À notre âge, on est résistant. On a fait la preuve de notre résistance puisqu'on est arrivé à cet âge-là. Ça vaut un apéritif, hein. Oui, mais là, vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas tous ensemble. Non, vous assistez. Oui. Et c'est aussi agréable de regarder jouer que de jouer soi-même, vous savez. Parce que on voit les fautes des autres, on ne le voit pas. Tandis que quand on joue, on ne voit pas les siennes. La belote, ça peut être un sport violent ou ça peut être un sport philosophique, si l'on veut. Belote. Très belote. Voilà. Il n'a pas d'autre, il attire. Vous êtes dedans. Il est malin. Non, il a un carré. Il n'a pas d'autre, il attire. Ah, il a un carré. C'est toi qui l'as dressé. Il n'a pas voté, il a bien raison. Rien, il va payer pour moi. Il a bien raison. C'est fini, on a gagné. Oui, il a carré. Il a pas match nul. Bon, alors match nul. Vous voulez vous amuser un peu? Venez. Pourquoi? Venez. Mais non, jouez donc. Non, mais je sors de mes têtes. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Bon, vous acceptez, je veux. Non, oui, c'est pour... Il y a longtemps que je n'ai pas... Allez, il y a une condition que je reste à côté passez, de vous. Monsieur. Je peux m'asseoir à côté de vous. Ah, oh, volontiers, volontiers. Oui. Allez-y. Mais prenez votre carton en même temps. Ah oui, tiens, pour toi. Non, attendez, la chaise. Attendez. Vous voyez, ça y est. Ah bon, tu en portes là-bas. Non, je sais que vous êtes assis comme ça. Oui, allez-y. Vous êtes installé, vous avez le matériel, les cartes et un partenaire. Voilà. Oui. Il manque plus que les lunettes. C'est à moi. C'est moi qui joue. Allez-y. Il fait des bêtises, faire une petite réflexion. Si vous faites on apprend toujours, monsieur. On apprend toujours. Mais si vous faites des bêtises, j'en ferai aussi comme ça. Ils sont bien. Il peut pas bien chaud. Pas flagrant. Non. Il est pas chaud. Cœur. C'est bon. Et carreaux. À qui? Du vélo, du patin roulette, du skateboard. Et puis le Luxembourg, non, on peut pas. Et il y avait des petites piscines là pour deux petites piscines qui nous arrivaient aux genoux même ouais, pas. Puis y a les... Et puis alors moi je trouve que c'est bête parce qu'ils mettent que des jeux pour les petits là et puis ils pourraient mettre quand même des piscines dans le grandes. C'est hein. Que des jeux pour les petits. Hein. Et puis pour le tennis on fait grandes. Que par exemple 3 heures de queue et puis comme le monsieur il connaît des grandes personnes, il fait passer les grandes personnes et puis les petits bah ils font la queue. Hein. Vous pouvez parler à mon chef, là, s'il vous plaît. On est trop grande pour monter. Oui, c'est pour les gosses. C'est dommage. Oui. Alors, vous en promenez beaucoup. Ah, aujourd'hui, je n'en ai que 7. Demain, j'en aurai 14. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi, oui. Il fait un peu froid. Ben non, mais les gosses sont là, demain. Ils n'ont pas classe. Oui. Ils n'ont pas d'école, alors. On aura davantage de monde dans le jardin. Oui, et vous leur faites peut-être faire un grand tour. Aux trois quarts de l'allée. Mmh. Et ces ânes-là, où dorment-ils ? Dans le 15e. Vous les promenez depuis le Luxembourg jusqu'au 15e ? Ils ont 50 minutes de marche à faire, le matin et le soir. Quoi. Tous les jours ? Tous les jours. Eh bien, ils sont très jolis. Qu'est-ce que c'est cette race ? Beaucoup de Shetland. Il faut aimer les gosses et les bêtes. Alors, on est bien. Voilà, allez là-bas. Là, tu vois, il s'appelle Bulle. Hein? Il est gentil, Bulle. Hein? Ouais. Tu vois, il va vous promener. On va faire une grande promenade. Et puis, on va revenir. Hein? On va être sage et on se promène. Allons-y. Et voilà. Allez, Bulle. Alors, t'es contente? Oui. Alors, tu dis... Bubule. Hein? Bubule. Et voilà. Encore. Bubule. Alors, t'es content? C'est une grande promenade, là, hein? Quand vous êtes de passage, venez visiter nos écuries, quoi. Où sont-elles, alors, ces écuries? Le 42 rue Amiral Roussin. Tout à fait ultra-moderne. Avec abreuvoir automatique, chauffage central, ventilation automatique, et c'est dans un bloc de 5 HLM. Il y a des personnes à Paris qui ne sont pas logées, comme nos pommiers et nos âmes. Oui, il y a certains gens qui ne sont pas logés pareil. Et quel itinéraire leur faites-vous prendre pour les amener ici ou les ramener? Moi ici, en venant du Luxembourg, en venant du 15e, pour venir ici, toute la rue de Vaugirard. Il y a 60 bêtes pour le moment à l'écurie. Et ici, vous en avez ? Ici, j'en ai que 7 aujourd'hui. Demain, oui. J'en aurai 14. Mmh. Parce qu'en semaine, on travaille à un service réduit, quoi. On en met le samedi et le dimanche. Le samedi, le dimanche et le mercredi, toute l'écurie sort. En autre temps, il n'y a que la moitié des bêtes qui sortent. Elles sont en repos un jour sur deux, quoi. Mmh. En plus, quand on voit qu'un troupeau est trop fatigué... Hein, ici à Paris, nous en avons 60 et il y en a 45 en Normandie, à la ferme. Quand il y a un troupeau qui est trop fatigué, ils remontent sur leur Normandie, deux mois et demi en convalescence, en vacances, au vert, et c'est un autre troupeau qui redescend pour retravailler. Comme maintenant, après le mois de novembre, hein, vers le 15 novembre, vous allez avoir, au lieu de 60 ici à Paris, il n'y en aura plus qu'une trentaine. Tout le reste remonte en Normandie jusqu'au mois de février. Et alors, ils redescendent par après. L'ambiance du jardin du Luxembourg est on ne peut plus agréable avec les arbres, avec l'animation qu'il y a. Bien sûr, le principal problème, c'est qu'on manque un peu de terrain. On en a 4. S'agrandir est pratiquement impossible du fait qu'il y a les arbres et si je ne m'abuse, ça dépend des arts décoratifs ou de je ne sais plus quoi exactement. Enfin, il y a des problèmes pour la peinture, pour tout ça. Et donc pour s'agrandir, sinon bah on est bien quoi. Faut pas se plaindre. Hein. C'est déjà beau d'avoir ce terrain-là dans Paris. Oui. Et il y a des parties là tous les jours, des parties de boue. Ah bah c'est-à-dire que bon bah on vient, on fait partie d'un club, donc on est soumis aux mêmes conditions. On paye un engagement par an qui est de 65 francs actuellement, licence comprise, ce qui représente quand même un prix relativement modique pour pouvoir s'amuser toute l'année. Et puis, bon, bah, on vient au hasard. Et puis, quand on est suffisamment nombreux, bah, on forme des parties. Comme là, bon, bah, ils sont 8, ils ont formé une partie à 8. Des fois, on est plus nombreux, des fois, on est moins nombreux. Et les boules, chacun amène son... Chacun a ses boules. Ses boules. Vous les laissez là. Voilà, on les laisse là ou d'autres les transportent avec eux. Enfin, ça dépend. C'est vachement agréable. Parce que quand on sort de l'école, des fois, on est vachement énervé parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et tout ça, qui nous cassent les oreilles à dire des bêtises. Puis on vient là se reposer. Même des fois, je fais mes leçons ici. Puis on est tranquille, quoi. Nous avons Verlaine, un petit peu plus loin, là aussi, et tous ses poèmes, et qui m'entourent. Vraiment, je me trouve entourée de toute cette grâce. Il y a aussi Baudelaire, là-bas, sur l'autre terrasse, avec son beau visage et ses poésies. Moi, j'aime tellement les fleurs du mal aussi. Le livre ne me quitte pas, d'ailleurs, il est là à la guérite aussi, vous voyez. J'y reste attachée. J'aime aussi la vieille comtesse de Ségur, avec ses images d'enfants tout près, là. Les enfants la connaissent à peine, cette statue. Je leur en parle souvent, d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu perdue dans le feuillage, tout près des balançoires, là. Qu'est-ce que j'aime encore comme statue ici? Mais, mon Dieu, toutes particulièrement. Pas toutes les reines de France, il y en a qui sont trop dures. Ils n'ont pas une belle image de la femme, je ne les aime pas. Celles-là, alors je ne les regarde pas. Allez, encore. Bah vas-y, parle. En automne, le Luxembourg, parfois le soir, au fond, on voit des arbres qui sont de toutes les couleurs et c'est très joli. En plein hiver, quand il y a de la neige dans le Luxembourg, si on se promène autour du bassin, vous apercevez la tour Montparnasse qui est noyée dans la brume avec un coucher de soleil. Là, c'est divin, ça. Et il y a les admirateurs des couchers de soleil dans le Luxembourg qui sont là, si vous voulez. Ils ne parlent pas. On n'entend pas un bruit. Les gens admirent et ne parlent pas. Et ça, ce sont des moments absolument fantastiques dans le Luxembourg. Il y a la lumière, il y a le changement des saisons, il y a les fleurs, l'éclosion des fleurs, le changement des massifs, il y a les maladies des arbres. Et puis, il y a ici aussi, j'ai des souvenirs de lumière absolument extraordinaire. Il y a certaines saisons, j'ai l'allée par laquelle descendait ma fille. Je me souviens de ma fille descendant du lycée Montaigne. Elle descendait dans une allée complètement en or. Elle est complètement dorée avec le coucher de soleil. Cette allée-là, là-bas, est recouverte absolument d'or. fermeture se fait demi-heure avant le coucher légal du soleil. C'est-à-dire que le demi-heure avant le coucher légal du, l'heure du coucher légal du soleil, la garde républicaine envoie du personnel. Ce personnel, il y a moitié des portes d'abord, la moitié des portes d'accès du jardin sont fermées. Lorsque les gardes républicains sont en place, que les consignes sont données, les surveillants, ayant un secteur déterminé chacun, évacuent le public, invitent le public à sortir du jardin. Et lorsque tout le public est sorti du jardin, on fait à ce moment-là, les portes sont fermées, toutes les portes qui étaient restées ouvertes sont fermées, et un ratissage est fait à l'intérieur du jardin pour éviter qu'il reste des personnes âgées qui auraient pu chuter, des enfants, c'est-à-dire que le jardin soit vraiment, qu'on soit sûr qu'il est vide et qu'il n'y a pas, qu'il puisse pas y avoir de mauvaises surprises. Est-ce que vous êtes certain que il est vide tous les soirs, qu'il n'y a pas eu certaines nuits des malins qui se... Des gros malins, c'est peut-être... il est possible, mais enfin, nous n'avons pas eu connaissance. Nous n'avons pas eu connaissance qu'il y ait des gens qui soient restés après au moment de l'abattu, c'est-à-dire au moment de la fouille du jardin. Ce qui a été prouvé, ce qui a été établi par le bureau militaire du palais, c'est-à-dire de la garde républicaine, qui fait les rondes de la nuit, il a été établi que des gens, des jeunes gens, entre autres, avaient escaladé les grilles pour venir passer la nuit dans le jardin parce que peut-être ils n'avaient pas les moyens financiers nécessaires pour se payer une chambre d'hôtel. Et peut-être parce que ça doit être très agréable. Exactement. Jardin du Luxembourg. Jean-Pierre Yanker, Jean-Michel Godin, Josette Collin, Anne Bragance. Nuit magnétique, bonsoir. C'était Promenade au Jardin du Luxembourg en 1980, le 22 octobre, au micro de France Culture dans les nuits magnétiques. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.